Chapitre 13. En quittant Madame de Sizerac, Raymond était en proie à l'un des plus violents dépits qu'il eût jamais ressenti. Son amour-propre avait été piqué au vif par la démarche de Claire, et plus encore par la petite leçon que la marquise venait de lui donner. Irrité contre sa femme, contre son ami, irrité contre lui-même, car il se reprochait maintenant d'avoir accepté avec une docilité humiliante l'admonestation imprévue que Madame de Sizerac avait eu la fantaisie de lui infliger. Le jeune homme se trouvait dans un de ces états d'esprit où le mécontentement général que l'on éprouve prédispose aux résolutions qui sont justement les moins propres à l'apaiser. Ayant constaté qu'il n'était pas encore 5 heures, que par conséquent une lettre avait encore le temps de partir par le courrier qui devait être distribué le soir à Châteaufrayé, il entra dans un café et écrivit à Claire, sans se donner le temps de réfléchir, le billet suivant, qu'il jeta aussitôt dans la boîte d'un bureau de poste. « Je vais passer 48 heures à Fontainebleau avec Cavaroc. Vous comprendrez sans peine que je tienne à laisser un peu de temps s'écouler avant de me retrouver en votre présence. Sinon, je craindrais de me laisser aller à vous dire avec trop de vivacité ce que je pense de certaines visites que vous avez eu la singulière idée de faire aujourd'hui et des propos que vous y avez tenus sur moi. Veuillez prévenir ma mère que je serai de retour lundi dans la soirée, ou mardi matin au plus tard. » Après avoir exhalé sous cette forme le premier jet de sa mauvaise humeur, il prit une voiture, passa rue de Lisbonne, mit quelques affaires dans une valise, se fit conduire à la gare de Lyon et partit pour Fontainebleau, où il arriva vers 8 heures à l'hôtel dont son ami lui avait parlé le matin. « Tiens, te voilà !» dit en l'apercevant Cabaroc qui finissait de dîner. « Quel bon vent t'amène !» Raymond le mit en 2 mots au courant de ce qui s'était passé depuis le moment où il s'était quitté. « Bravo !» dit Cabaroc. « De la poigne, mon cher, il n'y a que ça !» Ils passèrent le reste de la soirée à deviser gaiement. Seulement, quand Raymond se trouva seul, sa gaieté un peu factice tomba tout à coup. Ce mobilier d'hôtel, laid, banal et d'une propreté suspecte, lui inspira presque du dégoût. Le linge lui paraissait humide et d'une toile grossière, les rideaux pleins de poussière, le papier de tenture même lui déplut, avec ses centaines de petits médaillons, où la même bergère caressait bêtement le même mouton frisé. Il se coucha en pensant à sa jolie chambre si propre et s'endormit difficilement. Un cauchemar le réveilla, le front moite, la gorge serrée par une inexprimable angoisse. Il resta un moment assis sur son lit, regardant fixement dans les ténèbres, cherchant à rassembler les images confuses d'un songe à demi évanoui déjà, et se demandant quelle voix connue, celle de sa mère ou celle de sa femme, il avait cru entendre, en rêvant, jeter ce grand cri de détresse, de douleur surhumaine qui venait de faire passer un frisson jusque dans la moelle de ses os, et au souvenir duquel sa peau se hérissait encore. Un chien aboyait dans la rue. Il comprit alors la cause de l'illusion dont il avait été dupe. Mais cet aboi, qui reproduisait à des intervalles égaux la même note lente et plaintive, lui parut si lugubre qu'il éprouva une sorte de malaise à l'écouter. Une horloge voisine sonna 3 coups, avec une douceur triste, qui lui rappela le tintement des glas mortuaires tombant du vieux clocher de Draveil. Il alluma, ouvrit sa fenêtre. La lune, dans son plein, éclairait une petite place déserte. Comme il avait en ce moment l'esprit enclin aux imaginations funèbres, il trouva que cette place, avec la demi-douzaine de marronniers dont l'ombre faisait de grandes taches noires sur la blancheur du sol, ressemblait à un cimetière, et que ces bancs de pierre, larges et bas, à qui le clair de lune donnait l'éclat du marbre, avaient l'air de ces dalles qu'on pose à plat sur les tombes. Invisible au-dessous de lui, le chien jetait toujours son long hurlement de bête perdue, effaré par la solitude et le mystère de la nuit. Raymond siffla doucement, dans l'espoir de le faire taire. Il fut même tenté, n'ayant pas réussi, de lui crier « Allez coucher !» Mais ses nerfs étaient si étrangement ébranlés qu'il sentit, au moment d'ouvrir la bouche, que le son de sa propre voix, dans ce silence profond des êtres et des choses, allait lui faire peur. Alors il referma la fenêtre, les rideaux, dans l'espoir de mettre une barrière entre cette voix lamentable et ses oreilles, chercha un livre, un journal qu'il ne trouva point, et enfin résolut de fumer pour tuer le temps, en attendant le jour. Son tabac et son papier à cigarette étaient dans une blague de soie bleue et jaune. En l'apprenant, il se souvint que Claire la lui avait donnée quelques mois auparavant. Et ce simple souvenir éveilla en lui un attendrissement subit. Que faisait-elle en ce moment? Plus heureuse que lui, dormait-elle? Elle devait avoir besoin de sommeil, car ce nouveau voyage à Paris où elle était allée déjà la veille, les émotions de cette ridicule équipée chez Madame de Sizrac, alors que le médecin avait tant recommandé le calme. Il tressaillit soudain, se leva, et se mit à marcher dans la chambre, si pâle, si défait, qu'il détourna les yeux d'une glace qui lui renvoyait l'image de ses traits, parce que cette image spectrale lui inspirait une sorte d'effroi. Il venait de songer tout à coup que le médecin avait dit un jour qu'il n'était pas possible d'assigner une date précise à la délivrance de Claire, que l'événement aurait lieu, selon toute vraisemblance, dans les derniers jours de juillet, que cependant il fallait compter avec les surprises et ne pas s'étonner outre mesure, soit d'un peu de retard, soit d'un peu d'avance. Or, on était au 12. Raymond s'en avisa brusquement, et en même temps, une pensée entra dans son esprit, si terrible qu'un fer rouge imprimé sur son front ne l'eût pas torturé davantage. « Ah, mon Dieu !» se disait-il, « si pourtant elle était en train d'accoucher. D'accoucher, peut-être de mourir, sans moi. » Deux grosses gouttes de sueur perlaient sur ses tempes. Il éprouvait dans tout son être physique aussi bien que dans son être moral, la sensation d'une souffrance sans nom. Cela dura quelques secondes, de ces secondes d'agonie qui sont longues. Puis une réaction se fit. Un peu de calme rentra en lui, après qu'il eut plongé dans la cuvette pleine d'eau sa tête en feu. Au lieu du sinistre ululement qui, pendant une heure, avait monté vers la lune, un chant joyeux de coq retentit, saluant l'aube. Il ouvrit de nouveau sa fenêtre. Des bandes superposées de nuages roses rayaient le ciel du côté de l'Orient. Une douce lumière blanche, qui n'avait plus rien de la pâleur livide du clair de lune, se répandait dans l'espace. Le chien se taisait enfin. La petite place avait perdu son aspect funéraire. Tous les bruits de la vie, piaffements de chevaux, roulements lointains de voitures, s'éveillaient l'un après l'autre. Une brise légère, toute humide de la rosée et toute parfumée des senteurs de la nuit, s'était élevée. Raymond sentit, quand cette fraîche haleine de la terre sortant de son sommeil vint caresser son front, qu'elle emportait en passant sur lui l'idée folle qu'il avait eue un instant et qui venait de lui faire endurer en pleine veille les affres du plus horrible cauchemar. Sa montre marquait 4 heures. Appuyé sur la barre de la fenêtre, il se mit à fumer tranquillement des cigarettes. Il repassait dans son esprit les événements de la journée, l'entrevue de sa femme avec Madame de Sizrac, sa propre visite à la marquise et la façon dont il avait été reçu par elle, sa lettre à Claire, son brusque départ. Un remords, faible et confus d'abord, mais qui d'instant en instant devenait plus aigu et plus net, envahissait peu à peu son âme, pareil à cette pâle clarté d'aurore, blottie quelques minutes auparavant au bout de l'horizon, et qui, insensiblement, avait occupé toute l'immensité du ciel. Du fond de sa conscience, une petite voix douce et triste montait, murmurant des paroles dont chacune était un reproche. Cette voix disait « Pourquoi es-tu parti ? Pourquoi l'avoir laissé seul, si près de la rude épreuve ? Ne sens-tu pas qu'elle t'aime, que l'amour l'a transformée, régénérée ? Qu'elle est aujourd'hui la femme que tu souhaitais de rencontrer autrefois ? L'amie sûre et tendre, la digne compagne de vie, la créature deux fois sacrée comme épouse et comme bientôt mère ? Et ne sens-tu pas aussi combien tu l'aimes ? De quels liens indestructibles ton âme est unie à son âme et ta chair à sa chair ? D'où vient donc cette rage impie qui t'anime contre elle ? Pourquoi la punir d'avoir été ce qu'elle n'est plus, au lieu de la bénir d'être devenue ce qu'elle est ? Hélas, insensé, que de mal tu lui as fait, que de mal tu te fais à toi-même ! Ainsi devant la table, Raymond avait pris sa tête entre ses mains et méditait profondément. Tout ce qui était obscur ou ambigu s'éclairait, se précisait maintenant au fond de lui-même. Le caractère équivoque de son intimité avec la marquise lui fut soudain révélé et il rougit de honte, en pensant que si quelques heures auparavant Madame de Sizrac elle-même, plus honnête que lui, n'avait pas pris soin de le rappeler à l'ordre, quelque chose d'irréparable se fût sans doute accompli. « Et c'est elle, se répétait-il, qui a eu pitié de Claire, ce n'est pas moi. » C'est elle qui m'a fait comprendre que ma place était auprès de ma femme. Elle qui a coupé court à cette liaison suspecte. Elle qui a reculé devant le crime de cette lâche trahison que j'étais prêt à commettre. Son âme, loyale et droite, un instant dévoyée, se livrait au repentir avec une sorte de généreux emportement. Il récapitulait ses torts, en ajoutait d'imaginaire au réel, se torturait à plaisir en relevant mille circonstances où il se persuadait que sa conduite envers Claire avait été coupable, comme s'il eût pensé qu'il ne lui était possible de se réhabiliter complètement qu'au prix de la plus cruelle expiation. Pendant une heure, il fit sur tous les actes de sa vie depuis 2 ans, sur leurs mobiles les plus secrets, sur ses sentiments et ses pensées intimes, une enquête minutieuse. Il comparut devant lui-même, et sans chercher d'atténuation ou d'excuses aux infractions qu'il pensait avoir commises envers le devoir, se condamna avec la sévérité d'un juge inflexible. Après quoi il se sentit soulagé, étant réconcilié avec sa conscience, et ne pensa plus qu'à demander à celle qu'il ne se pardonnait pas d'avoir offensée une absolution définitive. 5 heures sonnèrent. La crise morale que venait de traverser Raymond, jointe à cette longue insomnie, l'avait laissé extrêmement las. Il se remit au lit, avec l'intention de reposer 1 heure encore, avant de prendre le premier train, et s'endormit aussitôt. Il avait tout à fait perdu la notion du temps écoulé quand la voix de Cavaroc le réveilla. « Eh bien, tu fais grasse matinée, j'espère, » disait-elle. « Quelle heure est-il donc ?» demanda Raymond inquiet. « 9 heures passées. Je suis entré dans ta chambre à 7 heures. J'ai vu à tes bougies que tu avais dû veiller tard. Tu dormais si bien que je t'ai laissé tranquille. » Raymond s'habillait précipitamment. Quand il fut prêt, son ami lui proposa d'aller faire un tour en forêt avant de déjeuner. « Impossible, je ne déjeune pas avec toi, je pars. » « À quelle heure y a-t-il un train maintenant ? Es-tu fou ?»« Non pas, au contraire, la nuit porte conseil. J'ai réfléchi que je ne pouvais pas rester plus longtemps loin de ma femme. Elle peut avoir besoin de moi. Tu sais ce que je t'ai dit, c'est pour bientôt. Je n'aurais pas dû la quitter. Conduis-moi à la gare. » Quand il descendit de voiture, dans la cour du chemin de fer, le train venait de passer. Il fut obligé d'attendre assez longtemps avant de partir et n'arriva que vers 12h30 à Villeneuve-Saint-Georges. Pendant toute la durée du trajet, une inquiétude vague n'avait cessé de le harceler. Il l'écartait. Elle revenait à la charge, l'empêchait de lire le journal qu'il avait pris en partant de Fontainebleau, le faisait à chaque instant regarder sa montre et pester contre la lenteur du train. Telle était son impatience qu'il fit en courant les 2 tiers du chemin de Villeneuve à Châteaufrayé. Il remarqua en entrant que la petite porte de la grille était ouverte, ce qui l'étonna un peu. Il traversa la cour d'honneur, le vestibule, sans rencontrer personne. Comptant trouver sa mère et sa femme encore à table, il ouvrit la porte de la salle à manger. Elle était vide, et il n'y avait point de couvert mis. Vide aussi le salon. Alors il eut peur, et bondit dans l'escalier. Arrivé au premier, il allait tourner du côté de la chambre de sa mère quand il entendit des pas au second. Il continua de monter, pâle d'angoisse. Sur le palier du second, il se trouva en face de la générale. « Où est Claire ? » demanda-t-il, d'une voix rauque. Elle tendit le bras vers la porte de la chambre bleue en disant gravement « Tu arrives tard. » Il ne fit qu'un saut jusqu'au fond du couloir. Quand il fut contre la porte, la main sur le bouton, une indicible épouvante s'empara de lui. Il crut qu'elle était morte. Une hallucination rapide comme l'éclair la lui montra, les yeux clos par le sommeil éternel, un crucifix sur la poitrine, le visage couleur de cire. À ce moment, un petit cri grêle retentit de l'autre côté de la porte. Et le malheureux crut qu'il allait défaillir, tant ce faible cri s'était répercuté puissamment dans les profondeurs de son être. Il ouvrit brusquement et regarda. Claire était allongée dans son grand lit. Elle avait les cheveux défaits, l'air brisé. Mais une joie céleste resplendissait sur son visage pâli. À côté d'elle était étendu, soigneusement emmailloté, le petit être qu'elle avait mis au monde 12 heures auparavant. La vieille bonne, Martha, rangeait des langes avec Madame le couturier au fond de la chambre. « Oh ! » dit Raymond, « je n'étais pas là. Pardon, pardon !» Et tombant à genoux près du lit, il cacha dans les draps sa figure baignée de larmes. Claire, d'un mouvement dolent, tourna vers lui la tête. Ses yeux s'emplirent de pitié en le voyant ainsi prosterné et pleurant. D'une voix faible comme un murmure, elle dit, le tutoyant pour la première fois, « Ne pleure pas. Embrasse ton fils. » Un an après, Madame Blachère et le curé se trouvaient seuls au salon et causaient. « Eh bien, Madame la baronne, disait l'abbé Papillon, nous voici donc de retour parmi nous. Qui lui dit que vous auriez jamais quitté Château-Frayé pendant plus de 8 mois ? Que voulez-vous, mon bon abbé ? Ces enfants m'ont en prié de venir m'installer à Paris auprès d'eux. J'ai cédé. J'ai pensé que je pourrais être utile à Claire en faisant un peu la bonne, tandis qu'elle faisait la nourrice. Et puis, vous l'avouerai-je, je n'étais pas fâché de voir d'à peu près comment irait mon jeune ménage cet hiver. J'avais eu si peur l'an dernier. Eh bien, êtes-vous contente ? Si je suis contente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mère plus heureuse que moi maintenant, ni de grand-mère, car mon petit Roger est, je vous l'apprends, tout à fait adorable. Raymond et Claire ont recommencé une lune de miel, sous prétexte que l'autre avait été une lune de miel, comment dirais-je, un peu rousse, manquée enfin. Raymond a travaillé tout l'hiver, entre sa femme, son enfant et moi. Il ne va plus dans le monde qu'à son corps défendant. Quant à Claire, elle ne cache pas, même à sa mère, qui s'en montre fort scandalisée, que l'état de nourrice est un état divin. Comprenez-vous cela ? Cette petite qui ne voulait pas de bébé. Madame, les Italiens disent que le temps est un grand maître. L'amour en est un autre. Et où sont-ils, nos tourtereaux ? Dans le parc, je crois. L'abbé s'approcha d'une des fenêtres et regarda. Sur le banc de gazon, au pied de la statue sans tête, Raymond et Claire étaient assis. La jeune mère achevait de boutonner son corsage qu'elle avait ouvert afin de donner le sein à son fils. L'enfant était couché à terre sur une grande couverture de voyage. Il poussait des cris joyeux en levant les deux mains pour prendre une fleur que son père agitait au-dessus de lui et retirait chaque fois que ses petits doigts malhabiles allaient la saisir. Sans parler, l'abbé fit signe à Madame Blachère de venir. Et quand elle eut, d'un coup d'œil, embrassé tous les détails de la scène, « Eh bien ?» fit-il. « Qu'est-ce que je vous disais ?»« Le voilà, l'unisson. » Ainsi s'achève l'unisson de Georges Duruy.